إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication du livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est aujourd'hui au cours 20, donc on continue. Et ce livre, mashallah, il est vraiment bien, bénéfique. Moi, j'ai vraiment aimé. Déjà, c'est un livre que j'avais lu, l'original, le livre de Ibn Taymiyyah, sans les commentaires. Je l'ai lu il y a plusieurs années, il y a plus que peut-être 15 ans environ. Et puis... C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris dedans et avec les commentaires là c'est encore plus bénéfique. J'avais écouté les cours audio du Cheikh de ce livre il y a plusieurs années de ça et puis c'était l'hiver passé, j'étais à Mecca dans une maktaba, dans une librairie. Et je regardais les livres et puis par hasard j'ai trouvé ce livre là comme ça. J'ai regardé le titre et quand j'ai regardé le titre, j'ai vu Ta'liqat ala Kitab al-Furqan, j'ai vu Cheikh al-Fawzan tout de suite. Je l'ai saisi là. Hein? Non. Des livres comme ça, en général, ils ne les traduisent pas tout de suite en français. Ça prend du temps avant que ça soit traduit là. J'aime faire les cours sur des livres qui n'ont pas été justement traduits parce que c'est pas des livres qui sont accessibles. Donc ceux qui connaissent pas l'arabe au moins ils peuvent profiter quand même. Et il y a une catégorie de gens qui n'aiment pas lire, préfèrent écouter que lire. Et même dans les livres autres que les livres de religion, il y a beaucoup de livres qu'on appelle les livres audio. Hein? C'est très à la mode. Et c'est très intéressant aussi les audiobooks, comme on appelle en anglais audiobooks. Tu peux écouter un livre au lieu de le lire. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qui est très pratique lorsque tu veux pas lire, tu préfères écouter. Tu apprends quand même beaucoup de choses. Hein? Et puis la science à la base elle était transmise par la parole avant d'être écrite. Donc c'est le médium le premier, tu vois, le premier moyen de communication, c'était par la parole. En tout cas, on est arrivé au point dans le livre de Ibn Taymiyyah où il dit kama anna kathiran min an-nasara wal yahud ya'taqiduna annahum awliya'ullah wa anna Muhammadan rasulullah walakin yaquluna innama ursila ila ghayri ahli al-kitab وأنه لا يجب علينا اتباعه. Donc le cheikh dit que beaucoup d'entre les juifs et les chrétiens, ou plusieurs d'entre les chrétiens et les juifs, croient qu'ils sont les serviteurs rapprochés d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, mais ils disent qu'il a seulement été envoyé à ceux qui ne sont pas des gens du livre et qu'il n'est pas obligatoire pour eux de suivre le messager. Donc ils disent il n'est pas obligatoire pour nous de le suivre, c'est seulement ceux qui ne sont pas parmi les gens du livre qui doivent le suivre. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ça, il dit Allah dhakara dhalika anhum وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يعني ادعوا لأنفسهم هذا وهم يقولون الله ثالث ثلاثة أو يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ولهذا قال بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهم يقولون نحن أولياء الله وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة واليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء يد الله مغلولة يعبدون العجل ويقولون نحن أولياء الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Donc le cheikh il dit que Allah il a mentionné ça à leur sujet hein, qu'ils prétendent être les serviteurs rapprochés d'Allah. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18 dans Surat Al-Ma'idah, et les juifs et les chrétiens disent, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Hein? Et les juifs et les chrétiens, quand ils disent qu'ils sont les fils d'Allah, ils veulent dire par là qu'ils sont les rapprochés, les bien-aimés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah. Parce qu'ils savent très bien que le terme fils, ce n'est pas quelque chose qui peut être attribué à Allah. De façon réelle parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'épouse et n'a pas de progéniture parmi les créatures hein? Et même quand on regarde par exemple dans leur livre hein, j'avais même fait une recherche justement sur ce sujet là et j'ai trouvé que dans les écrits des juifs et des chrétiens tu retrouves plusieurs fois l'expression fils de Dieu et à chaque fois c'est dans le sens de dire rapproché et serviteur rapproché comme par exemple dans Genèse 6 hein, dans Genèse 6 verset 1 à 5 ils appellent les anges fils de Dieu dans l'Exode 4 verset 22 ils appellent Jacob Mon fils premier-né, c'est Israël, en parlant de Yaqub. Et Salomon, Suleyman, alayhi salam, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13 à 14, c'est dit, c'est lui qui constituera une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hein? Ephraim, il dit, car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Adam, hein, il est dans Luc 3, le verset précédent c'était Jérémie 31, 9. Et dans Luc 3, 38, hein, Adam est appelé fils de Dieu. Et les gens ordinaires, hein, les êtres humains en général, ils sont appelés enfants de l'Éternel. Dans Deutéronome 14, 1, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. En effet, tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Romains 8, 14. Donc il y a des versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le roi David, le père de Suleyman. Hein? Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ça c'est dans Psaume 2, 7. Et même dans Jean 10, 34, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Hein? Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Donc ça, c'est des exemples de propos qui sont mentionnés dans leur livre. Et il dit, on peut donc voir que c'est dans ces termes, dans ces versets-là, le terme fils de Dieu, dans le langage des juifs, était un terme innocent utilisé pour décrire un serviteur loyal de Dieu. Hein? Et dans un autre verset, ils disent, même dans Matthieu 5, 48, « Afin de devenir fils de votre Père. » Donc il y a plein d'autres versets comme ça. « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car Dieu... » Dans toutes sortes de versets comme ça, puis... En fait, il dit, c'est donc l'amour de Dieu et de ses prophètes qui font que Dieu soit le père de quelqu'un, de même que vous êtes du diable votre père. Hein? et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Donc ici, ils appellent les hommes des fils du diable. Hein? Ils appellent le diable leur Père. Donc c'est-à-dire quand ils obéissent au diable, quand ils aiment le diable ou suivent le diable, ça veut dire qu'ils sont les enfants du diable. Donc peu importe la raison pour laquelle les Juifs ont employé le terme fils de Dieu, l'islam a complètement interdit son utilisation pour éliminer toute fausse compréhension et toute mauvaise conception à propos de Dieu, ce qui mène à l'idolâtrie et au polythéisme. C'est pourquoi Allah il dit, à propos du verset qu'on mentionne justement, le verset 18 dans Surat Al-Ma'ida, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Hein? Donc c'est pour dire que c'est incorrect de prétendre ou de dire que Dieu a des fils. Et le cheikh, il mentionne, il dit, ces gens-là, ils prétendent être des fils d'Allah, des bien-aimés d'Allah. Et ils disent en même temps que Dieu est le troisième du trois. C'est-à-dire qu'ils croient à la Trinité. Ou bien ils disent que Jésus est le fils de Dieu. Hein? Ils disent le Messie, fils de Marie, est Allah. Hein? Parce qu'ils croient que Dieu est incarné en Jésus. Donc il y a beaucoup de musulmans, même parfois ils sont mélangés avec ça. Même des chrétiens eux-mêmes qui sont mélangés avec ça. Parce que lorsque tu parles avec certains chrétiens, tu leur dis, vous croyez que Jésus c'est Dieu? Et ils vont dire, non, on croit pas, on dit pas que Jésus c'est Dieu, on dit que Jésus est fils de Dieu. Comme si c'était moins grave. Hein? Alors que les deux c'est de la mécréance. Mais il faut comprendre qu'en réalité ils disent qu'il est fils de Dieu, mais qu'il est Dieu aussi en même temps. Parce que eux ils disent toujours que Dieu est trois en un. Et donc ils disent que Dieu est composé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les trois sont Dieu pour eux et que les trois forment un seul. Donc le Fils est Dieu, le Père est Dieu et l'Esprit est Dieu. Les trois sont Dieu. Hein? Donc c'est une contradiction et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ces propos-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 73 dans sourate Al-Ma'ida et dans d'autres versets aussi, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. Ils ont certes rejeté la foi et mécru ceux qui ont dit que Dieu est le troisième du trois. Hein? Et dans un autre verset, il dit لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. Ils ont certes rejeté la foi et renié la foi ceux qui disent que le Messie, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Donc, tout ça c'est pour mentionner, pour clarifier que ça c'est des paroles de mécréance et que ceux qui croient en ce genre de choses ne sont pas des croyants. Et donc, ils disent, nous sommes des alliés d'Allah, nous sommes des serviteurs rapprochés d'Allah. Et ils disent que en même temps Allah est un tiers ou bien un des trois parmi les trois qui forment la divinité, hein, le troisième du trois, le troisième des trois. Ou bien que les Juifs disent que Allah est pauvre, hein, et que eux sont riches, ou que la main d'Allah est fermée, en voulant dire qu'ils accusent Allah d'être avare, hein, ou bien ils adorent le veau d'or. Hein, comme ils ont adoré le veau d'or. Et malgré ça, ils disent quand même, nous sommes les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah. Hein? Et donc, Allah, il dit dans le verset, les Juifs, hein, ils disent ce qui signifie, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Puis, ils mentionnent par la suite qu'ils prétendent qu'ils n'ont pas à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était uniquement envoyé pour les Arabes. Et le cheikh, il répond à ça, il dit « Ursila ila al-arabi faqat » yani yadda'ouna hada « ila al-umiyyin » wa hada kufrun sarih li anna risalata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amma qul ya ayyuhal nas inni rasulullahi ilaykum jami'a wa qala fil yahudi wal nasara alladhina yattabi'una al-rasul yani Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam وقال عذاب قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. من هو الرسول؟ النبي الأمي. ومن هو النبي الأمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبشر به عيسى عليه السلام قال وبشر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه من بعد يعني من من الذي جاء بعد عيسى عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد ومحمد وله أسماء غير هذين الاسمين أيضا. donc le cheikh il dit et également donc il a été envoyé, ils disent qu'il a été seulement envoyé aux Arabes, aux Ummiyins. Ummiyins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de livres, les illettrés comme ils les appellent, les Arabes, parce qu'ils n'avaient pas reçu de livres. Et le cheikh dit que ça c'est une forme de mécréance claire, parce que le message du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message général pour tous les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157 dans Surat Al-A'raf, dit: ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et il mentionne à propos des juifs et des chrétiens ceux qui suivent le messager dans le verset 157 dans Surat Al-A'raf, c'est-à-dire qui suivent le messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le verset 157 Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô Muhammad, mon châtiment, je le frappe, je frappe par celui-ci qui je veux. Et ma miséricorde a enveloppé toute chose. Et je vais le prescrire pour ceux, c'est-à-dire ma miséricorde, je vais la donner à ceux qui ont, se préservent de contre mon châtiment, qui donnent la zakat et qui croient en nos versets. Ceux qui suivent le messager, et qui est ce messager? Le prophète illettré. Qui est ce prophète illettré? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent le prophète, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils retrouvent mentionné par écrit dans la Torah et dans l'Injil, qui leur ordonne le bien et qui leur interdit le mal. Le cheikh il dit, et Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont reçu le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. Le verset 146 dans Surat Al-Baqarah. Et Isa alayhi salam avait annoncé sa venue. Il dit, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Et il est venu donner la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Isa alayhi salam a annoncé la venue du prophète. Et c'est qui ce prophète qui vient après Isa? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Donc il dit son nom est Ahmad. Donc ça c'est le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam. Son nom c'est Ahmad et Muhammad. Donc il a également d'autres noms en dehors de ces deux noms-là. Alayhi salatu wassalam. Et donc il dit fahum la yu'minuna bi'umum ar-risala wa fi man yantasibu ila al-islam man yusaddiquhum ala hadha wa yuwafiquhum wa yaqul hum ala din wa nahnu ala din wa nahnu ikhwan wal kullu yasilu ila Allah hadha kufrun wal 'iyadhu billah. وهذا جحود لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا, دعا العرب ودعا اليهود والنصارى, وكتب إلى الملوك والرؤساء, وكتب إلى كسرى وقيصر, ودعوهم إلى الله كيف يكتب لهم وهو ليس رسولا إليهم. فينبغي التفطن لهذه الأفكار الخبيثة التي يروجها اليهود والنصارى, وقد يتقبلها بعض المنتسبين إلى الإسلام إما عن عمد وإما عن جهل. Le cheikh il dit donc, ces gens-là ne croient pas en le sens général du message de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, parmi ceux qui se disent musulmans, il y en a qui croient en cette position de la part des juifs et des chrétiens, et qui sont d'accord avec eux sur ce point-là, et qui disent, ils ont leur religion, et nous avons notre religion, et nous sommes des frères, et tout le monde va arriver à Allah de toute façon. Et le cheikh dit, ça c'est du kufr, wal-ayadu billah. Il dit, ça c'est en fait une forme de négation même, et un rejet du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, que nul de cette umma, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc nul parmi les juifs et les chrétiens de cette umma de da'wa, la umma qui est invitée à l'islam. Donc nul parmi les gens de cette umma, parmi les juifs et les chrétiens, qui entend parler de moi et meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené ou ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a invité tous les hommes à l'islam. Il a appelé les arabes à l'islam, il a appelé les juifs à l'islam, il a appelé les chrétiens à l'islam, il a invité également les rois des différentes régions du monde de son époque, hein, les différents chefs d'État et les différents rois qui existaient à son époque. Il leur a envoyé des émissaires avec des messages pour les appeler à l'islam. Il a écrit même à Kisra, l'empereur de la Perse, et à Caesar, à César, l'empereur de Rome. Et donc il les a invités à Allah et à se convertir à l'islam, hein. Donc comment il leur écrit des lettres pour les appeler à devenir musulmans, et il n'est pas envoyé vers eux, hein. Il n'a pas été envoyé pour eux, pourtant il les appelle à l'islam, il leur envoie des messages pour les inviter à l'islam. Donc il dit, ça c'est des idéologies qui sont mauvaises, et donc il faut bien réfléchir et comprendre ce que ces gens-là essaient de propager. Hein, les juifs et les chrétiens, ils propagent ce genre d'idées, et parmi ceux qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam, il y en a qui acceptent ce genre d'idéologie corrompue. Et il dit, soit que ces gens-là les acceptent volontairement ou par ignorance, soit qu'ils les acceptent, ces idéologies, volontairement ou par ignorance. Donc il faut faire attention, hein, Allah al-Musta'an. إذ إنه إنه أرسل إلينا رسولا قبله فهؤلاء كلهم كفار لأنه أرسل إلينا رسولا قبله فهؤلاء كلهم كفار. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens disent, nous on a reçu des prophètes avant lui, des messagers avant lui, donc on n'a pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les arabes, eux, ils n'avaient pas reçu de prophète avant, alors ils n'ont pas besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de lui, mais nous, on n'en a pas besoin. Ça, c'est ce que les certains juifs et chrétiens prétendent. Et le cheikh, il dit, ceux-là sont tous des kuffars. فَهَاُولَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, الرسل الذين قبله أحالوا عليه فهذا موسى عليه السلام في التوراة التي معه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وهذا عيسى بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهو مرسل إليهم وهو كتب إلى ملوكهم ورؤسائهم وقال لمعاذ رضي الله عنه إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهم أهل كتاب فكيف يدعوهم إلى الشهادتين وهم أهل كتاب مؤمنون كما يزعم هؤلاء ولو كانوا مؤمنين ما دعاهم إلى الشهادتين فهذا من أبطل الباطل وأعظم الضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, les messagers avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous indiqué la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam dans la Torah, il mentionne qu'il est écrit, mentionné par écrit dans le livre de la Torah et dans l'évangile. Dans le verset 157, dans Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça. Également il dit وَهَذَا عِيسَ بَشَّرَ بِهِ également عِيسَ il a annoncé également وَمُبَشَّرًا il est venu annoncer la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui va venir après lui et dont le nom est Ahmad donc il a été envoyé vers eux et dans l'Ancien Testament tu trouves des descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il les a mentionnés dans son livre الجواب لمن بدل دين المسيح الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح donc on a le livre on l'a même ici c'est la réponse correcte pour celui qui a changé ou pour ceux qui ont falsifié et changé la religion du Messie donc il mentionne dedans les versets de la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau qui indiquent la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam elle est indiquée dans les livres des juifs et des chrétiens et que il est mentionné par ses signes et parmi les versets dont je me souviens dans Deutéronome chapitre 18 verset 18 l'annonce de Moussa alayhi salam qu'il y allait avoir dans lequel il s'est mentionné dans le verset 18 dans le chapitre 18 de Deutéronome qu'il y allait avoir un prophète qui allait venir de ses frères on va susciter de tes frères un prophète comme toi et il ne parlera pas de lui-même et il y a beaucoup de descriptions qui sont mentionnées quand tu regardes la description tu vois que ça correspond exactement à la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également dans le Nouveau Testament la description du paraclet qu'est-ce que Isa a appelé le paraclet, c'est-à-dire celui qui allait venir après lui et qui allait corriger ce qui avait été corrompu de son message parce que c'est pas possible que les juifs et que les chrétiens corrompent le message de Isa alayhi salam puis que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas un prophète après lui pour corriger ce qui a été falsifié et déformé de son message donc Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas le mensonge se propager sans qu'il y ait une correction ou une clarification. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour corriger et ramener le message de Isa alayhi salam à son origine, à sa pureté originelle, pour rejeter les mensonges qui lui ont été attribués par les juifs et les chrétiens. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit donc qu'il a été envoyé donc aux juifs et aux chrétiens, et même qu'il a écrit des lettres, des messages pour les rois et les dirigeants des différents pays, des juifs et des chrétiens à son époque, comme on l'a dit tout à l'heure. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam. Il leur a dit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh avant de partir, tu vas aller vers des gens du livre. Tu vas aller vers un peuple des gens du livre. Alors lorsque tu vas aller vers eux, appelle-le à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ce sont des gens du livre. Alors comment il les appelle à faire les deux témoignages de l'islam, hein? Donc ce sont des gens du si c'était des gens du livre et que c'était des croyants déjà, donc pourquoi dans ce cas-là il les appelle à faire le témoignage de l'islam et à accepter l'islam comme ils le prétendent? Donc si c'était des croyants, il ne les aurait pas appelés au shahadatayn. Donc ça c'est la preuve que ce qu'ils prétendent c'est totalement faux et que c'est une des plus grandes formes d'égarement. Wala'iyadhu billah. Hein? Et c'est vrai que qu'est-ce que le cheikh il dit, qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent ça parmi les musulmans. Et même que des fois c'est pas seulement des idées qui sont limitées à quelques individus parmi les égarés qui prêche ce genre de choses-là, mais des fois même c'est des croyances qui sont devenues générales dans certaines populations même. Hein? C'est vrai. Tu vois que dans certains pays, par exemple, les musulmans, ils ne pensent même pas à faire la da'wa à des non-musulmans. C'est rendu que, et en est pour eux, c'est-à-dire non, ça c'est, eux ils ont leur religion, nous on a notre religion, et ça reste comme ça. Oui. Hein? Donc j'ai vu ça par exemple dans certains pays musulmans. Dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, certains musulmans, ils voient des juifs et des chrétiens, ils vont jamais leur parler de l'islam. Même dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient, où il y a des populations chrétiennes qui vivent là-bas depuis des siècles, hein, des Arabes chrétiens et des Arabes musulmans qui les voient tous les jours, ils leur parleront jamais de l'islam, ils leur font pas la da'wa à l'islam, certains. Tu vois, donc les gens ils pensent comme si depuis que tu crois en Dieu, tu dis que tu crois en Dieu, ça suffit, t'as pas besoin de les appeler à l'islam. Et à cause de ça, les chrétiens, beaucoup de chrétiens malheureusement, ils réussissent à tromper beaucoup de gens et à les amener dans leur fausse religion et à faire en sorte que des musulmans tombent dans l'égarement et l'idolâtrie du christianisme, hein. Donc c'est ça qui est dangereux en fait, c'est que lorsque des musulmans n'ont pas étudié correctement le tawhid, l'unicité d'Allah et la réalité de l'islam et l'importance de la da'wa et d'appeler les gens au tawhid et à la foi en les messagers. Hein? Donc ça prouve qu'on a un grand travail à faire pour rééduquer les populations musulmanes pour qu'ils puissent comprendre leur religion correctement et pour qu'ils reviennent à l'importance de la da'wa et d'inviter les non-musulmans à l'islam. Il dit وما انهم يعتقدون في طائفتهم انهم اولياء الله. Il dit malgré que ces gens-là ils croient que eux que dans leur groupe eux ils sont les serviteurs rapprochés d'Allah et les choisis d'Allah. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là هؤلاء اولياء الشيطان لما لم يستجيبوا له قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك والسياق في اليهود والنصارى في أهل الكتاب فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين هذا خطاب لليهود والنصارى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ليسوا اتباعا ليسوا أتباعا لموسى ولا لعيسى عليهما السلام لأنهم لو كانوا أتباعا لموسى وعيسى عليهما السلام لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فليسوا أتباعا لموسى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام وإنما هم كفار خارجون عن شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام. Donc on va traduire cette partie-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit donc ceux-là, ils sont les alliés du shaitan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit ces gens-là sont les alliés du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsqu'ils n'ont pas répondu à l'invitation d'Allah, l'invitation du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est la preuve qu'ils suivent le shaitan, ils adorent le shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, dans Surat Al-Qasas, le verset 48 et 49, il dit, et s'ils ne te répondent pas, s'ils ne répondent pas à ton invitation à la foi, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah? Et le cheikh, il cite, ça c'est le verset 50, et le verset 48 et 49, qui sont les deux versets qui ont été mentionnés avant ce verset-là. Et on voit que dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux versets, il mentionne l'explication du contexte de ce verset. Parce que c'est un verset qui est révélé à propos des gens du livre. Il dit, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'écrivais aucun de ta main droite. Tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Non, ça c'est le verset, ça c'est l'Ankabout. Le Qasas c'est avant, je m'excuse. Oui, c'est ça. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense. Ça c'est le verset, ok, ça c'est 53. Donc 48 et 49. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. Est-ce qu'il n'a pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? C'est-à-dire, ils disent, ah, si seulement il avait ramené la même chose que Moïse. Mais eux-mêmes, quand Moïse est venu, ils n'ont pas cru. Subhanallah. Ils dirent, deux magies se sont mutuellement soutenues, et ils dirent, nous n'avons foi en aucune. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridique. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les injustes. Donc le cheikh il dit ça s'est adressé aux juifs et aux chrétiens. Et il dit donc ramenez un livre de la part d'Allah qui serait mieux guidé que ces deux livres-là, que la Torah et le Coran. Si vous êtes véridique et s'il ne te répond pas, ça veut dire qu'ils suivent uniquement leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah? Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ne suivent pas. Ces gens-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces gens-là, ils ne suivent pas vraiment Moussa. Ils ne suivent pas vraiment Isa, alayhi salam. Même s'ils prétendent suivre Moussa, ils prétendent suivre Isa, alayhim assalam, mais la réalité c'est qu'ils ne sont pas les fidèles de ni Moussa ni Isa. Parce que s'ils auraient réellement suivi Moussa et Isa, ils auraient suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la réalité c'est qu'ils ne suivent ni Moussa ni Isa. Mais en réalité ce sont des kuffars, des mécréants, qui ont quitté la charia de Moussa et qui ont quitté la charia de Isa. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne, hein, qu'ils ne font que suivre leur passion. Et le shaykh il dit, وَلَمْ يَقُلْ يَتَّبِعُونَ الشَّرَائِعَ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا لِأَنَّهَا نُسِخَتْ وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُ وَهِيَ نُسِخَتْ أَيْضًا وَيَعْنِي أَحَالَتْ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وحيلت أو وأحالت على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هذا واضح جدا وليست الغرابة في أن اليهود والنصارى يقولون هذا يقولون أعظم من هذا ولكن الغرابة في أن في من يدعي الإسلام من يصدق هذا ويقولهم على دين وليسوا كفارا يقولون اليهود والنصارى ليسوا كفارا كيف ليسوا كفارا هم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لا ليسوا بكفار ليس كفارا الذي يقول هذه المقالة يكون كافرا مثلهم لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله وهذا من نواقض الإسلام. Donc le cheikh il explique pour terminer et on va finir ce point là le cours d'aujourd'hui avec ce passage ce paragraphe c'est un paragraphe important. Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh il a cité un verset, on va le traduire. Mais avant ça, on va dire qu'est-ce que le cheikh il a expliqué, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset ce qui signifie et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne suivent que leur passion. Et le cheikh il dit Allah n'a pas dit sache qu'ils ne suivent que leur législation ou leur révélation précédente. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit sache qu'ils ne font que suivre leur révélation ou qu'est-ce qui leur a été révélé ou les législations qui leur a été révélées. Non, parce que ces législations-là ont été abrogées de toute façon. Mais ils ne font que suivre leur passion et même ces passions-là ont été abrogées aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans le Coran, il leur dit de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre le messager, et il mentionne les versets 81 à 83 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous enverrai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils dirent, nous consentons. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Et il dit ensuite dans le verset 83, ce qui signifie, désirent-ils une autre religion que celle d'Allah? Alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et donc le cheikh dit, donc ça c'est très clair. Il dit, toutefois, on ne doit pas s'étonner de ça de la part des juifs et des chrétiens, parce que ils disent des choses bien plus pires que ça et bien plus graves que ça. Mais on doit s'étonner lorsqu'on entend des gens qui prétendent être musulmans et se dire appartenir à l'islam et qui croient en cette idée-là, et qui acceptent cette idée-là et qui disent que non, les chrétiens ils ont leur religion, les juifs ils ont leur religion, ce sont pas des koufars, hein, les juifs et les chrétiens sont pas des koufars. Il dit le cheikh, comment ils sont pas des koufars? Ils croient, est-ce que yani, ils croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils renient la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux dire que ce sont pas des koufars, hein? Donc celui qui dit non, ce sont pas des koufars, celui qui dit ça, il est lui-même kafir comme eux. Il dit parce que celui qui ne déclare pas kafir le mécréant, il refuse de déclarer mécréant celui qui est mécréant, il est lui-même mécréant. Et ça fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain, inshallah, la suite. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته